Herriotsak. Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsaioak. Pausu Mediak eta Antxeta Irratiak ekoiztutako emankizunak. Arratsaldeon, bonsoir a tous. On se retrouve donc pour la dernière émission de Gurekunka en français de la saison. Gurekunka que donc vous écoutez sur Herriotsak 89.7 et très rapidement sur herriotsak.info. Donc ce soir nous allons traiter des contrôles aux frontières puisque bon vu notre situation c'est d'actualité. Et pour cela, nous aurons donc deux invités, Laurence Ardouin, qui est avocate au barreau de Bayonne, qui nous parlera donc du centre de rétention d'Andaye et de la problématique des contrôles aux frontières, donc ici même, et Clémence Vianney, qui est accompagnatrice juridique de la CIMAD au centre de rétention à Perpignan, donc de l'autre côté des Pyrénées. Et donc c'est, on essaiera de voir donc de comparer un peu la situation de ces deux centres qui connaissent les mêmes problématiques, mais on verra que les fonctionnements sont totalement différents. Et donc je pense qu'après l'intervention de nos deux invités, vous verrez un peu comment le droit qui semble être quelque chose de très rigide et le même pour tous partout, en fait il n'en est absolument rien. Et puis ensuite on finira l'émission avec les recommandations littéraires et visuelles cette fois-ci, voilà, pour accompagner votre été. Donc le temps d'appeler Laurence Ardouin en Bayonne, nous allons écouter la première page de musique avec les Fatal Picards. Une France encore en noir et blanc, avec pour seul bagage l'espoir de vendre ma négritude contre un peu d'argent. J'étais le fils du tirailleur sénégalais, le banania dans sa version au balai. Celui qui dit Bouana, tu peux toujours compter sur moi. Je serai les jambes, la main d'œuvre et les bras. J'ai fumé toute une vie bien plus que de raison, sans vie, vie au rythme des quatre saisons. Pour gagner mon diplôme de roi des balayeurs, un salaire de misère, le bruit et l'odeur. On n'avait pas la carte et pas l'identité, juste le faciès et le droit de la fermer. On n'avait presque rien et presque pas le choix. C'était ça la France du petit Nicolas. J'ai vu le jour un beau matin d'avril, dans une France traite, touche pas à mon pote. Ça sentait plutôt bon, la force tranquille, mais il y avait comme un bruit de fond, de bruit de bol. J'étais le fils de l'homme au marteau piqueur, la tête de nègre dans sa version petit peu. Celui qui dit si dit, pour être je serai l'arabe qui cache la forêt. J'ai répondu banco quand on m'a dit intégration, mais c'est plus des études, non, c'est un marathon. Si je serre les dents, aurais-je droit au bonheur? Et si je baisse la tête, aurais-je l'air d'un chômeur? On avait juste la carte mais pas l'identité, toujours le faciès et le droit de la fermer. On n'avait presque rien mais rien fait pour ça. C'était ça la France du petit Nicolas. Vraiment le jour de ma naissance, mon baptême à moi c'est celui de naissance. Et cette voiture qui crame un matin de novembre, la carte d'identité d'une jeunesse France. Je suis le fils de celui qui n'a plus rien, le mauvais garçon face au karcher à la main. Un apprenti mesrine en culotte courte, prêt à dégainer au moindre doute. Il est loin le bon nègre et l'arabe de service, les auvergnats, les bons prototypes, tous ceux qui prient pour qu'il existe encore une vie avant la mort. porte la carte ou même l'identité. Quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça. Dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité. Quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça. Dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité. Quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça. Dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité. Quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça. Dans la douce France du petit Nicolas. Arratsaldeon, Laurence. Arratsaldeon, Sarah. Et merci d'avoir répondu à l'invitation pour l'émission de Gourekunka. Plaisir. Donc ce soir, on va parler un peu des contrôles aux frontières intérieures. Et donc, voilà, tu vas un peu nous parler du centre de rétention d'Hendaye sous l'aspect voilà, du contrôle aux frontières. Donc est-ce que tu peux un peu nous présenter le centre de rétention pour qu'on arrive à bien situer le problème ? Bon, mais déjà, on va le localiser géographiquement. Il est à l'intérieur du commissariat de police d'Hendaye, puisque la particularité de nombreux centres de rétention, c'est qu'il n'y a pas de panneau qui les indique. On les cache même au point de ne pas les signaler sur les panneaux extérieurs. Il est à l'intérieur du commissariat de police d'Hendaye. C'est un centre d'une capacité d'une trentaine de places qui peut accueillir des familles, malheureusement, avec enfants, si l'occasion se présente, et qui, au quotidien, accueille principalement des hommes et quelques femmes de temps en temps. Par rapport à la situation frontalière, j'explique de suite un petit peu comment se passent les interpellations ou je développe un peu plus le centre. Explique-nous, sur la zone frontalière, vu que de toute façon il est situé à la zone frontalière. Donc, voilà. Donc en fait, on a une particularité locale, c'est que, donc, comme on l'a dit, comme il est avec la frontière espagnole concomitamment, pour répondre à des objectifs d'expulsion qui sont fixés par le gouvernement chaque année et qui vont toujours crescendo, forcément, les préfets, et notamment le nôtre, a pour obligation d'atteindre un certain chiffre chaque mois. Et c'est très facile de procéder à ce type d'atteindre ce type de chiffre quand on est en zone frontière, puisque nous, ce que l'on voit au quotidien, c'est que la majorité des personnes qui sont arrêtées, principalement, sont des personnes qui partent, qui quittent le territoire français, soit parce qu'elles ne font que passer, elles transitent d'un autre pays de l'espace Schengen pour se rendre dans un autre pays, qui est l'Espagne ou le Portugal, ou parce qu'elles vont carrément chez elles, ce qui est le cas pour beaucoup de Marocains, pour beaucoup de Brésiliens qui partent depuis le Portugal parce que ça coûte moins cher pour eux de prendre l'avion au Portugal que depuis la Belgique ou la France. Et donc c'est cette manière-là que tourne le centre en grande majorité, à savoir avec des gens qui quittent le pays et qui se retrouvent enfermés pour être renvoyés à destination de leur pays, alors c'était ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Donc c'est un peu le paradoxe de la population qui fait l'objet des interpellations ici, différemment de l'intérieur du pays, où on peut effectivement voir des gens qui vivent en France et qui sont établis en France. Ici, c'est pas vraiment la majorité des personnes interpellées. Alors, j'aurais deux petites précisions à te demander. Tu parlais donc que les préfectures avaient des quotas mensuels et annuels à faire. Bien évidemment, tu confirmeras que ces quotas sont inconnus. Personne ne, à part au niveau national, personne ne sait. Voilà. Nous, on nous a jamais. De toute façon, c'est quelque chose que l'on dit parce qu'on se doute bien que sinon, on n'arrêterait pas des gens qui rentrent chez eux. On se doute qu'il y a des quotas. La preuve en est, c'est que moi, ça fait 14 ans que je pratique la défense des étrangers. Et ça ne fait que depuis à peu près 2003, quand Sarkozy est devenu ministre de l'Intérieur et où l'immigré est devenu un problème, qu'on a vu des étrangers être présentés au tribunal. Avant, c'était extrêmement rare. Et encore moins des étrangers qui rentraient chez eux. C'était impossible. Et c'est à partir du moment où on a annoncé dans les politiques gouvernementales des objectifs à atteindre en matière de reconduite à la frontière, qu'on a vu arriver, à la grande surprise de tout le monde, des juges, des avocats, même des policiers qui étaient quand même assez embarrassés au début, des personnes qui prouvaient avec leur billet de train ou leur billet d'avion prépayé qu'elles n'avaient pas l'intention de séjourner sur le territoire. Quant à la quant au point névralgique donc de ces contrôles aux frontières, puisque ici ils sont extrêmement bien, on va dire que la technique, la procédure est extrêmement bien huilée. Il y a des points névralgiques, donc c'est vrai que on le voit. D'ailleurs, ils ne se cachent même plus. Enfin, ils ne se cachent pas. Ils se postent à des endroits très précis et ils attendent, on va dire que la souris vienne se mettre dans les filets. La marchandise. Les arrivées de train, notamment en gare d'Hendaye, Biriatou avait les bus Eurolines, des ronds-points bien particuliers. Ils savent où aller, ils vont à la pêche à l'étranger, ils n'ont qu'à se ramasser pour ramasser. Là, c'est vraiment, c'est du pain béni pour eux. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelques mois, il y avait même des contrôles frontières qui s'effectuaient sur la ligne Bayonne-Garassi. Ah, c'est pas mal, là. C'est vrai qu'il y a matière. Mais voilà, c'est vrai que pour nous, c'est particulièrement révoltant parce que c'est quand même des personnes qui sont privées de liberté, qui subissent une garde à vue, qui subissent une fouille à corps, qui se retrouvent menottées, qui sont privées de leur liberté, qui vont devant un juge comme si elles avaient tué père et mère. Et pour la plupart, elles ne comprennent pas pourquoi, puisque... Elles le disent et elles le répètent, leur intention n'était pas de rester, leur intention était de partir. Et bien souvent, c'est notre premier travail, que ce soit d'ailleurs les avocats ou les personnes à l'intérieur du centre de rétention, de leur expliquer qu'elles ne sont pas, des criminels, elles ne sont pas, bien qu'on les traite comme telles, ce ne sont pas des délinquants. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'elles supportent encore moins le menottage ou la fouille à corps ou la privation de liberté. On parlait donc de tous ces contrôles pour avoir un peu une vision de la quantité de ces contrôles. Est-ce que tu as un peu quelques chiffres pour Hendaye, pour bien mettre le doigt sur ce qu'est des contrôles aux frontières et notamment à Hendaye, centre qui ne vit que par ces contrôles aux frontières. Pour les interpellations pures, c'est-à-dire quel que soit, on entre, on sort. Les chiffres, en gros, c'est en 2008, il y a eu 65% des interpellations qui ont été faites en frontière. En 2009, on est monté à 80,5%. En 2010, il y a eu une légère baisse, 71,4%. Et en 2011, 50%. Qui s'explique, en fait, non pas parce que la police a décidé de procéder avec plus d'intelligence, faut pas non plus... mais uniquement parce qu'il y a eu une décision de la Cour de justice des communautés qui a condamné les contrôles frontières tels qu'ils étaient faits par l'État français. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur une baisse de régime. Baisse de régime. Et donc tu parlais également des personnes qui quittent le territoire lorsqu'elles se font interpeller. Là encore, est-ce que tu peux nous donner un peu un ordre de grandeur? Alors pour 2010, il y avait à peu près 60% des gens arrêtés qui partaient, et pour 2011, 65%. Donc c'est avéré, ils ne peuvent pas venir nous dire que c'est le pur hasard qui fait que ces personnes sont arrêtées. Surtout que 2011, on n'en est qu'aux 6 premiers mois de l'année. Voilà, donc on a une obligation, enfin que la police est quand même un peu plus ennuyée, parce qu'elle est astreinte à respecter certains types de procédures pour procéder à ces contrôles frontaliers. Justement, en parlant de procédures et donc de l'intervention de la Cour de justice de l'Union européenne, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la législation, puisque les contrôles aux frontières en fait ont été instaurés en France avec l'entrée en vigueur de l'accord de Schengen, et on se rend compte qu'ils ont quand même eu une vie assez mouvementée, surtout depuis un an à peu près. Oui. En fait, c'est tout le paradoxe de l'Union européenne qui prône la libre circulation des marchandises et de l'argent. Le capital circule extrêmement bien. À l'inverse, en ce qui concerne les personnes, on a vite constaté qu'on était tout à fait prêt à accueillir les Italiens ou les Allemands, mais qu'on avait beaucoup plus de mal pour ce qui était un peu plus coloré, je dirais. Et les contrôles frontières tels qu'ils étaient faits, pour appeler un chat, c'était du contrôle au faciès. C'est-à-dire que, non contents de se poster à des endroits où ils savent qu'ils vont arrêter des personnes de nationalité étrangère, les contrôles portaient forcément sur le Pakistanais, l'Indien ou le Marocain, ou du moins celui qui semblait avoir la tête d'eux. Et donc c'était du contrôle au faciès, du contrôle à la louche, qu'il était facile de faire. La Cour de justice des communautés, l'année dernière, est venue dire qu'en fait, il y avait un souci, puisque ce type de contrôle n'était pas conforme à la législation justement communautaire, qui dit que pour contrôler en frontière, parce qu'on est dans l'espace Schengen et parce qu'on a voulu mettre en place un peu plus de liberté dans la circulation des personnes, il fallait que ce soit strictement encadré et que ça ne puisse pas se faire de façon automatique telle que la police le faisait en France. Du coup, ça les a quand même un petit peu embêtés. Et pour trouver la faille, ils ont sollicité les procureurs qui ont répondu bien évidemment favorablement à leur demande. Et la technique déguisée a été d'autoriser la police à faire des contrôles aux frontières dans le cadre de réquisitions, c'est-à-dire que le procureur les autorise pour tel jour, à telle heure, à tel endroit, de pouvoir procéder au contrôle d'identité des personnes, notamment dans le cadre de recherche de personnes en séjour irrégulier. Alors juste... leur a permis, de façon officielle et de façon encadrée, de procéder et de continuer à procéder à des contrôles. Alors, je sais que ce n'est pas partout pareil, je crois que tu en parleras avec Perpignan, mais ici, c'est vrai que autant le parquet au début a réagi avec un peu de zèle, à savoir qu'ils ont permis des contrôles assez, assez vastes, hein, presque de 12 heures hein, simultanées en trois points différents, autant aujourd'hui, après que la Cour de cassation ait quand même rappelé que fallait pas prendre les gens pour des imbéciles, qu'on pouvait pas redéguiser un contrôle systématique au travers des réquisitions, elles sont quand même serrées dans le temps et dans l'espace. Ce qui est pas mal. C'est pas pareil de l'autre côté et que la difficulté n'est pas la même que chez nous. Tout à fait, tout à fait. Et là, justement, donc, maintenant que la Cour de justice était venue un peu rappeler à l'ordre et surtout était venue rappeler à la France ses engagements, puisque quand même la Convention de Schengen en fait supprime en quelque sorte les contrôles aux frontières. Quelque temps après, Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, les a réintroduits. Il aura quand même fallu attendre presque 20 ans avant que la France se fasse rappeler à l'ordre. Et avec la dernière loi sur la sécurité intérieure portée par M. Hortefeux, ils ont de nouveau, le gouvernement a de nouveau essayé de passer en force, justement en réécrivant l'article justement qui permet les contrôles aux frontières. Oui. Alors c'est un article qui paraît encadré davantage la procédure. Au final, quand on lit un peu quand on lit les décisions de justice qui commencent à tomber un peu partout en France, on se rend compte que... Ça va revenir au même. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on change juste, c'est le pot de yaourt qui change d'emballage, mais le contenu, il est le même. Puisqu'en fait, c'est technique, hein, c'est les contrôles d'identité judiciaire. C'est 78-2 du code de procédure pénale. Mais finalement, en fait, c'est pour parler clair, on disait dans une zone de 20 km à partir de la frontière, on peut contrôler systématiquement l'entrée ou la sortie, mais principalement l'entrée, ce qui nous paraissait logique plus que la sortie. Mais nous, c'est la sortie qui les intéresse. Bien sûr. La CJCE est venue condamner le contrôle systématique et la LOPCI 2 envisage de les rétablir tels qu'ils sont aujourd'hui dans la zone des 20 km, alors en disant il y a des garanties parce que on ne permettra pas des contrôles systématiques. C'est complètement faux. En fait, on repose le même principe, à savoir un contrôle systématique. Oui, parce que quand on lit le nouvel article, au final, la seule chose qui a changé et juste qui a été intégrée, c'est des contrôles de 6 heures consécutives, mais il n'y a aucun contrôle. Justement, le magistrat ne peut pas contrôler ces 6 heures-là. Donc en fait, ils vont jouer, ils vont tabler, ils vont cumuler et on se retrouvera avec la même chose qu'avant. Bien sûr. 6 x 3, 24. 24 voilà. Heures sur 24. Et pourtant, je ne suis pas très bonne en maths. Et alors, la deuxième particularité des contrôles aux frontières est qu'il y a une coopération transfrontalière donc, entre les États. Et nous, donc, de par notre situation, nous sommes soumis donc, aux accords franco-espagnols de Malaga. Voilà, est-ce que tu peux aussi un peu nous expliquer ce que c'est, puisque c'est quand même quelque chose d'extrêmement obscur, d'extrêmement opaque et à la limite de la légalité bien souvent. Alors, c'est des accords qui prévoient qu'entre deux États qui ont une frontière commune, alors pour nous, c'est les accords de Malaga avec l'Espagne, ils ont d'autres noms avec la Belgique, d'ailleurs, je ne sais pas le nom qu'ils ont, mais bref, quand une personne arrive, par exemple, je prends l'exemple, une personne quitte la France et arrive en Espagne, elle est contrôlée immédiatement ou très peu de temps après par la police espagnole, elle peut, c'est le système de la patate chaude qu'on se refile, elle doit ou elle peut, c'est en règle générale, elle peut parce qu'elle n'est pas obligée de le faire systématiquement, remettre à l'état d'où arrive la personne, donc forcément chez nous la France, la personne en question. Nous, ce qu'on voit de façon régulière, c'est que les accords de Malaga, les accords de réadmission, ils sont très intéressants pour la PAF quand elle est en baisse de régime elle-même. Tout à fait. C'est-à-dire que certains mois, elle n'a pas réussi à atteindre son chiffre son quota, parce qu'en fait tout le monde marche au quota, le préfet marche au quota, mais la police marche au quota aussi, puisque le préfet, pour remplir les siens, doit demander à la police de remplir les mêmes objectifs. Bien sûr. Et donc dans ce cas-là, ce que fait la police française, c'est qu'elle avertit ses copains espagnols en disant, écoutez, là en ce moment, si vous pouviez nous renvoyer les personnes que vous attrapez, ça mettrait un peu de beurre à nos épinards, hein. En gros c'est ça. Tout à fait. Et donc encore, ben là, vendredi dernier, moi j'étais d'audience, et j'ai assisté à un monsieur guinéen dans le cadre d'une remise par les policiers espagnols aux policiers français. Et d'ailleurs, pour encore appuyer un peu plus tes propos, on constate que ben, depuis le coup d'arrêt qu'il y a depuis la décision de la Cour de justice, vu qu'il y a beaucoup moins de placements en rétention et de contrôle, les accords de réadmission ont clairement explosé entre les Français et les Espagnols. C'est extrêmement flagrant et des fois ça amène du coup des situations totalement illégales et irrégulières. J'ai eu contact avec une personne l'été dernier, un monsieur qui m'a appelé pour m'avertir. Donc un ami à lui qui venait de brésilien qui était au Portugal, ouais, avait été arrêté donc par les policiers de Dendaï, et qu'il avait été remis en suivant aux Espagnols. On lui reprochait donc qu'il avait dépassé le délai de 3 mois de séjour autorisé en France. Et donc justement, cette personne ne comprenait pas, parce qu'il me disait, mais il avait un tampon d'entrée et il avait encore 10 jours de séjour autorisé sur le territoire Schengen. Eh bien, donc j'ai eu après des nouvelles de cette personne, et il s'est avéré que une fois remis aux policiers donc espagnols, donc il s'est refait une garde à vue à Irun, et là les policiers ont vérifié ce fameux passeport, et au milieu du passeport ils ont trouvé le fameux tampon. Comme par hasard. Le fameux tampon, tout à fait, qui donc, et la personne était bien encore dans le délai de 3 mois de séjour sur le territoire français. Donc très clairement, cette personne a servi de bûchette donc dans ces fameux quotas, alors qu'elle était en situation régulière. Et donc elle a quand même subi une garde à vue, du coup deux gardes à vue, une en France et une en Espagne, alors qu'elle était en situation totalement irrégulière. Régulière, pardon, le lapsus. Et je voulais aussi rajouter juste une chose, c'est que on parle beaucoup de quotas, mais pour eux c'est aussi important de faire des quotas, c'est qu'il y a une prime, bien évidemment, qui va, une prime relativement conséquente. Là encore, on... C'est pas mal, hein, pour le chef du CRA, c'est quand même 25 000 euros. Ah ben voilà, total, les chiffres, moi je les avais pas. Voilà, non, c'était... Mais en plus, je le sais par la PAF elle-même, hein, par des policiers qui discutent au tribunal et qui ont parfois eux-mêmes un petit peu l'amertume de voir que... eux n'auront pas grand-chose, entre guillemets, et que leur responsable aura 25 000 euros à la fin de l'année. Voilà, 25 000 euros pour des quotas remplis, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu suer. Et donc, justement, un peu pour terminer, quelle analyse un peu tu fais de cette situation, qu'au final, on interpelle des gens pour faire du chiffre, parce que là on voit très clairement que le centre d'Andaï ne vit que par le passage et qu'au final il ne sert même pas à remplir les objectifs d'une politique migratoire, on va dire. Tout à fait. Il y a deux choses. Moi, en tant qu'avocat, ça m'ulcère, parce que j'estime que on fait de la procédure pour rien. C'est se moquer de l'institution judiciaire, c'est se moquer du peuple, du citoyen. Je veux dire, on utilise des gens qui n'ont rien demandé et qui n'ont pas à se retrouver dans un tribunal, pas plus que nous, à partir du moment où on est respectueux de la loi. Donc ça m'ulcère. D'un point de vue humain, c'est pire encore, parce que j'ai du mal, moi, à regarder ces personnes en me disant, mais quelle image de notre pays ils ont. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce qu'ils vont garder de la France, si ce n'est, voilà, cette humiliation ultime qu'on leur inflige parce qu'ils ne sont pas responsables, mais qu'il y a une politique actuelle qui vise à stigmatiser l'étranger, parce que ça rend service à un gouvernement incompétent. Maintenant, quand les gens quand les gens ne me semblent pas forcément concernés ou que je vois que ça ne réagit pas, je leur dis si ça ne vous touche pas au niveau du cœur, que ça vous touche au niveau du porte-monnaie. Vous avez tous des enfants scolarisés, vous avez tous un membre de la famille qui est hospitalisé. Vous voyez combien l'hôpital est démuni, vous voyez combien l'école est de moins en moins en mesure d'assurer une éducation et un suivi de vos enfants. Ben, l'argent qu'on met sur de la rétention administrative de gens qui n'ont rien demandé, qui partaient chez eux, parce que ça sert un gouvernement hypocrite et menteur, ben, cet argent-là, il aurait pu servir à éduquer vos enfants ou à soigner vos parents. Voilà. Moi, c'est sur ce plan-là, après, que je leur dis, parce que parfois, les gens ne mesurent pas ce que c'est qu'être privé de liberté, être enfermé, être fouillé à corps. Ça veut dire quand même qu'on vous met un doigt dans l'anus. Hein, voilà, une fouille à corps, c'est vérifier qu'il n'y a pas un objet au fond des fesses. Ben, quand ça ne touche pas sur ce plan-là, j'espère au moins que ça les touche, parce qu'ils seront peut-être un jour, je ne leur souhaite pas, mais ils auront peut-être un jour besoin d'aller à l'hôpital, et puis il n'y aura pas de place, et ils attendront 7 heures aux urgences avant d'être soignés. Ben voilà, l'argent, il aurait pu être mis là. Oui, en gros, une expulsion, la Cour des comptes et la Commission des finances. À peu près 12 000 euros. Voilà, c'est en ça. En moyenne, 12 000 euros par tête de pipe. Donc quand on a des Brésiliens qui se sont payés leurs billets, qui décollaient du Portugal 3 jours après être interpellés et qui demandaient rien à personne, ben, ils vont coûter 12 000 euros à la collectivité uniquement pour que le gouvernement puisse annoncer des chiffres qui sont complètement faux. Et montant qui peut s'élever à plus de 20 000 euros quand il y a des avions gouvernementaux spécialement affrétés pour les personnes. Tout à fait. Ou pour des familles, parce qu'on veut éviter qu'elles soient libérées par un juge et qu'on les met en catimini dans un avion militaire. Bien évidemment, quand je parlais de cela, j'avais à l'idée les familles. On se comprend bien. Eh bien, écoute, on a fait le tour de la situation à Hendaye. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Donc, en attendant de nous téléporter à l'autre bout des Pyrénées, à Perpignan, on va écouter une deuxième petite musique avec Renaud. Un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des boupillers. Jusqu'à Derry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer. Lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Vos dieux à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les frais, les orangers. Je voulais planter la orangerie, là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté. Bonsoir Clémence. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, toi ? Ça va, ça va. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour venir parler un peu des contrôles aux frontières. Donc, on a fait la première partie d'émission donc, avec Laurence Ardouin, qui est avocate au barreau de Bayonne, qui nous a un peu expliqué comment ça se passait donc, du côté atlantique. Et donc, j'avais pensé donc, t'inviter en tant que juriste à la CIMAD, qui travaille à l'intérieur du centre de rétention de Perpignan, pour un peu nous parler de la situation donc, de l'autre côté. Puisque on va voir que, je pense au fil de ton intervention, qu'on est soumis à la même problématique, mais qu'au final, la situation n'est pas du tout la même de ces deux côtés de la frontière. Alors juste pour avant de commencer, je voulais faire un petit focus géographique pour que tout le monde arrive à bien visualiser le local. Donc on pourrait dire que Perpignan, ça peut être mis en parallèle avec Bayonne, Cerbère avec Hendaye, donc juste à la frontière espagnole côté français, puis Portbou avec Irun, donc de l'autre côté de la frontière, donc ça c'est pour ce qui est au niveau ferroviaire, et au niveau autoroutier, donc le Pertus avec de l'autre côté à nous, Biriatou, je pense que c'est à peu près ça. Je vais te laisser nous présenter un peu le centre de rétention de Perpignan. Alors le centre de rétention de Perpignan, c'est un centre qui a été construit en 2007, qui accueille 48 personnes, exclusivement des hommes. C'est un centre qui est ouvert aux familles, mais pour des raisons, on va dire, de commodité, il n'y a que des hommes qui sont placés en rétention. Il est situé près de l'aéroport de Perpignan et il accueille en fait que des personnes exclusivement ou presque arrêtées dans les Pyrénées-Orientales. D'accord. Et alors il y a aussi une autre petite différence avec Hendaye. Hendaye est caché dans l'enceinte du commissariat. Il me semble que celui de Perpignan est ouvert aux quatre vents. Oui, c'est ça. En fait, on est dans une zone commerciale, industrielle, près de l'aéroport, qui est un petit peu éloignée de Perpignan, pas seulement du centre-ville, mais vraiment aussi de l'agglomération, et où il y a très très peu de passages, il y a très peu de personnes qui savent où se situe l'endroit. Et sur Google Maps, pour Mappy, ce genre de choses, l'adresse n'apparaît pas. D'accord. Bon, comme tout le monde. Voilà, comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir un centre ouvert aux quatre vents et à la tramontane pour être inconnu du grand public. Voilà, exactement. Donc, essentiellement, ce sont des personnes encore intermédiaires dans la zone frontalière qui sont placées au centre de rétention à Perpignan. Est-ce que tu peux un peu nous situer où ont lieu les principales interpellations? Alors à plus de 80% les interpellations, elles ont lieu à la gare de Cerbère, donc la gare frontalière, au péage autoroutier du Boulou, parce que la barrière de douane qui était initialement au Pertus a été démantelée l'année dernière suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Et le troisième lieu favori, on va dire, d'interpellation des policiers, c'est la gare de Perpignan, la gare SNCF. D'accord, mais alors est-ce que tu peux... La gare de Perpignan, pourtant, elle n'est pas dans une zone de 20 km. Non, elle n'est pas dans la zone des 20 km, mais c'est une gare ouverte au trafic international, donc qui est aussi visée par un arrêté ministériel qui permet en fait de contrôler, au même titre que les contrôles frontaliers, les personnes qui se trouvent dans la gare de Perpignan. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu vois, parce que ça je ne le savais pas, cette histoire de transfert du poste de douane du Pertus au Boulou, parce que ça c'est quand même assez étrange. En fait, jusqu'au 22 juin 2010, donc jusqu'à l'arrêt, un arrêt assez décisif de la Cour de justice de l'Union européenne l'année dernière, les contrôles étaient donc majoritairement effectués à la frontière, et notamment il y avait toujours des petites cahutes avec des barrières, comme un poste de douane, mais qui fonctionnait toujours. D'accord. C'est-à-dire que les voitures devaient s'arrêter, devaient passer ce poste de douane avec une barrière qui s'est levée et qui se rabaissait, et les policiers pouvaient interpeller à loisir à ce niveau-là. En fait, ça s'est interdit depuis les années 90 avec la convention Schengen. C'est ce que j'allais dire. Ce poste-là était toujours matériellement visible, existait et fonctionnait. Avec l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a rappelé un petit peu à la France qu'il n'y avait plus de frontières intérieures, ils ont été obligés en fait de démanteler ce poste de contrôle douanier où la PAF sévissait également. Et donc maintenant, en fait, il n'y a plus du tout de cahute, il n'y a plus de barrières, il y a toujours des ralentissements de vitesse, c'est-à-dire qu'on passe pas toujours à 130 alors que c'est l'autoroute, on doit ralentir à 60-70, mais du coup ça a un petit peu contrarié les pratiques de contrôle à ce niveau-là. Et donc ce qui fait que les policiers en fait n'effectuent plus de contrôle au Pertus, parce que voilà, c'est, la vitesse ne permet pas, mais ils se reportent sur le péage autoroutier du Boulou, donc c'est une ville qui est à quelques kilomètres du Pertus, et c'est le premier péage autoroutier après la frontière. D'accord. Voilà. D'accord. Mais donc au final c'est exactement la même chose. Oui, c'est tout à fait la même chose, sauf que c'est plus, comme avant c'était une douane, c'était clairement caractérisé comme une frontière. Là, au péage autoroutier, on a un petit peu plus de mal à faire comprendre aux magistrats et aux policiers que ça revient au même. D'accord. Ça reste un péage. Quoi. Ah, c'est légal. C'est assez intéressant comme, comme subtilité. Oui, voilà, on est dans la subtilité dans les Pyrénées-Orientales. Alors, on joue sur les mots et sur les lieux. Et oui, sur ben les je vois ça. Si le fait de démonter un poste de douane, ça signifie qu'on supprime les contrôles aux frontières, je pense qu'il y a certains avocats et magistrats côté basque qui vont être très intéressés par ce que tu viens de raconter. Il faut savoir que c'était quand même le dernier poste de douane matérialisé de France. D'accord. Où il y avait des contrôles effectués par la PAF. D'accord. Ah, c'est hallucinant. C'est ça aussi qui a un petit peu énervé l'Union européenne. Ben oui, parce que bon, ça fait quand même 20 ans que les contrôles aux frontières sont censés avoir disparu à l'intérieur de la zone Schengen. Mais c'est la Catalogne, je pense qu'il y a une sorte de caractéristique locale. Ça serait l'État dans l'État ? Ouais. Et... Donc on parle beaucoup là, donc des personnes qui sont interpellées dans cette zone. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, enfin nous dresser le portrait de ces personnes qui sont arrêtées? Est-ce que elles ne font que transiter? Est-ce qu'elles habitent dans le coin? Est-ce que voilà un peu le portrait de la personne qui se fait interpeller? Alors majoritairement, vu que les interpellations elles se font à la frontière, c'est vrai que c'est majoritairement des personnes en transit. C'est-à-dire des personnes qui vivent initialement en Italie ou en Espagne ou en Belgique ou en Allemagne pour un peu schématiser à gros traits l'origine des personnes, et qui en fait ne font que passer par la France en bus, en train, pour rejoindre un autre pays ou leur pays d'origine, principalement le Maroc. Donc c'est des personnes qui ont très peu d'attaches en France, ça représente moins de 4% pour l'année 2010 et 2009, les personnes qui vivaient en France, qui ont été interpellées dans des zones autres que zones frontalières, donc la bande des 20 km ou les gares internationales. Donc voilà, c'est vraiment des personnes en transit qui n'ont rien à faire en France, qui ne veulent pas rester en France, qui ne font que transiter, qui effectivement n'ont pas de papier, donc normalement n'ont pas le droit de passer par la France, mais voilà, qui n'ont aucune volonté de rester en France, qui sont arrêtés généralement en sortant de la France. En sortant de la France. Et il me semble que l'année dernière, vous aviez eu des petits soucis, on va dire, enfin, vous et les personnes qui se sont fait arrêter, qui sont des personnes marocaines, des bus entiers de Marocains qui rentraient au Maroc. Oui, on a principalement des Marocains, oui. Voilà. On ne voit pas très bien, en fait. Ça coupe un petit peu, mais on a principalement des Marocains, oui. J'ai fait quelques petites statistiques, justement, pour montrer un petit peu l'étendue des dégâts. En 2010, on avait 47% de Marocains. D'accord. Interpellés et placés en centre de rétention. En 2010, on est passé à 54%. Et là, on est quasiment à 60%. À 60%, d'accord. Et sur... En fait, la forte proportion de Marocains arrêtés et placés au centre de rétention de Perpignan s'explique par le fait que c'est la route, en fait, pour le Maroc. On a l'autoroute A9 qui descend toute l'Espagne et qui, après, permet d'arriver au bout de la péninsule et d'accéder au Maroc. Et il y a énormément de bus, en fait, qui relient l'Italie, la Belgique, l'Allemagne au Maroc, qui passent par cette route-là. Et donc, énormément de Marocains en train de rentrer au Maroc qui passent par le département. Et donc, comme c'est des personnes qui veulent rentrer, qui sont souvent passeportées ou qui ont des titres, des CC ou des cartes d'identité, donc qui sont facilement expulsables, c'est vrai que la PAF concentre ses forces pour les interpellations sur ces personnes-là. D'accord. Parce que ça permet de faire du chiffre très, très facilement. Du chiffre très facilement. Et il me semble que l'année dernière, il y a même... Des personnes qui ont été, de nombreuses personnes qui ont été arrêtées dans ce même bus, elles ont été, enfin les policiers les ont fait descendre et le bus a continué sa route avec leurs bagages. Alors, jusqu'à l'année dernière, en fait, oui, c'était beaucoup ça. Il y avait beaucoup de personnes qui laissaient leurs bagages sans même avoir pu charger le chauffeur ou la famille, ce genre de choses. C'est vrai qu'on a essayé de vraiment taper un peu dans cette pratique, notamment en publiant des articles et en interpellant un peu la société civile sur ces questions-là. Donc, de plus en plus, les personnes récupèrent leurs bagages ou on leur laisse temps pour s'arranger avec le chauffeur. Et, mais bon, voilà, souvent, elles laissent leurs bagages au chauffeur parce que c'est plus pratique. Il faut savoir que si on a plus de 20 kilos de bagages et qu'elles sont expulsées par avion, c'est qu'elles ne les plus. Donc, c'est vrai que, voilà, comme c'est des personnes généralement qui rentrent définitivement dans leur pays, on arrive facilement à 200-300 de bagages. Donc, D'accord, mais encore une fois, si vous n'aviez pas pointé ce problème du doigt, ça aurait continué. Encore une fois, si vous n'aviez pas pointé ce problème du doigt, ça aurait continué allègrement que des personnes sont descendues du bus et que les bagages continuent leur chemin tout seul sans qu'elles puissent rien prévoir. Oui, c'est des questions matérielles dont c'est vrai que tout le monde ne vient pas forcément à s'en occuper, à réfléchir sur ces questions-là et tout ça, mais. Voilà, il y a que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose déjà dans leur vie, si en plus on leur prend le peu qu'ils ont, on arrive à une situation humaine assez plus que précaire. Donc, on s'est très rapidement saisi les personnes d'avant, qui sont de temps avant moi et ma collègue et moi actuellement, c'est vrai qu'on s'est vraiment saisi de cette question pour qu'il y ait quand même un minimum de traitement humain de personnes, quand elles seraient sans papier, qu'elles vivraient la loi française et tout ce qui compte. Bien sûr, en plus quand on sait l'importance de ne pas rentrer les mains vides quand on rentre au pays, pour certaines personnes. Non, je disais qu'en plus c'est important de pouvoir rentrer avec des bagages quand on sait l'importance que c'est de ne pas rentrer les mains vides avec, pour certaines personnes, notamment dans les pays du Maghreb. Tout à fait, en plus c'est. Ce sont surtout des Marocains, par exemple, qui rentrent. C'est vrai que c'est des personnes qui le disent très rarement à leur famille. Et c'est vrai que du coup, si on peut éviter de devoir solliciter la famille au Maroc pour qu'ils aillent chercher les bagages, qu'ils posent ensuite des questions, pourquoi vous n'êtes pas là, ce genre de choses, c'est vrai que voilà, les personnes du coup sont assez contentes de pouvoir partir, faire semblant d'être rentrées normalement, on va dire. Bien sûr. Alors, avec Laurence, on évoquait un peu les conséquences qu'a eu la décision de la Cour de justice de l'Union européenne l'année dernière. Donc, au niveau. À Hendaye, je disais que les conséquences qu'a eu la décision de la Cour de justice. Tu m'entends ? Ouais. Les conséquences qu'a eu l'arrêt de la Cour de justice, donc au niveau local à Hendaye, ça a été. Un net coup d'arrêt des interpellations frontières, qui n'étaient plus aussi systématiques. Maintenant, c'est des réquisitions du parquet. Alors, le parquet, au départ, a essayé d'effectuer des réquisitions sur toute la journée. Puis, il s'est fait un peu rappeler à l'ordre au niveau local. Donc, ça s'est quand même pas mal ralenti. Je crois savoir que je crois savoir qu'au niveau, local à Perpignan, le parquet a très rapidement trouvé la parade à l'arrêt rendu par la Cour de justice en instaurant un plan Vigipirate, il me semble. Allô ? Tu m'entends ? Non, je disais que au niveau d'Hendaye, suite à l'arrêt de la Cour de justice, les contrôles frontières ont connu un véritable coup d'arrêt. Très peu de personnes étaient par la suite interpellées. Et est-ce que tu peux nous parler de quelle réception au niveau à Perpignan a eu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union ? Tu entends ? Oui. Alors en fait, donc jusqu'au 22 juin 2010, on avait plus de 80% d'interpellations à la frontière fondées sur une application d'un article du code procédure pénale, qui donc permet les interpellations dans la bande des 20 km et dans l'art. Depuis cet arrêt, en fait, on a pu se développer plein de pratiques jamais vues avant, donc notamment des réquisitions, donc comme à Hendaye, j'imagine. Depuis, en gros, le 20 juillet jusqu'à aujourd'hui, hein, ça continue toujours, on a des réquisitions pour quasiment tous les jours. D'accord. Tous les jours de la semaine, plusieurs heures par jour, donc jusqu'à à peu près novembre-décembre, c'est quasiment 23 heures sur 24. C'est vrai qu'il y a eu aussi un petit coup d'arrêt. On a réussi à avoir des annulations, même si elles n'ont pas été confirmées par la suite. Et on a un petit peu là-dessus. Donc du coup, le procureur s'est un petit peu calmé sur l'étendue des réquisitions. Il a un petit peu étendu aussi le champ de réquisition à d'autres lieux. D'accord. Mais c'est vrai qu'on a pu développer les interdictions sur réquisition, toujours dans des lieux frontaliers. Hein. Ça ne couvrait pas du tout lieux autres que proches de la frontière. On a dû aussi développer une tentative qu'ils ont essayé une seule fois. On a réussi à faire aller à ces lieux, donc on n'a jamais revu, c'était les contrôles routiers. D'accord. Effectués toujours dans la zone frontalière, mais voilà, couvert un autre article de loi. Ça n'a pas marché. C'est vrai qu'on a dû aussi développer des contrôles sur le plan Vigipirate, notamment à la gare de Perpignan. D'accord. Où les personnes étaient interpellées sur le seul fondement du plan Vigipirate ou sur le fondement du plan Vigipirate et un article du code de procédure pénale. Ça s'est un petit peu été, en tout cas calmé dernièrement, parce que on est en cassation en fait en ce moment sur cette question. D'accord. Donc il y a trop de contrôles Vigipirate, je pense qu'ils attendent comme nous la décision de la Cour de cassation. Et surtout, c'est calmé aussi parce que depuis le 14 mars, le code de procédure pénale a été changé. A été changé aussi. Ils peuvent encore de nouveau à loisir arrêter la frontière et en gare sans se casser la ménette et trouver des arguments un petit peu désarticulés. L'analyse que tu fais de tous ces contrôles, de l'utilisation de ces contrôles. Moi, ce que je pense, c'est que les policiers, la police aux frontières, les orientales, privilégient les contrôles aux frontières, dans les lieux frontaliers, parce que c'est compliqué d'interpeller des gens à domicile ou dans la rue ou dans d'autres lieux, parce qu'il faut toujours justifier l'infraction, de ce genre de choses. C'est vrai que les contrôles permis à la frontière ont vraiment aidé de toute condition quasiment ou toute suspicion d'infraction, comportement bizarre ou ce genre de choses. L'arrêt de la CGE a un petit peu calmé ça, ils ont développé une autre pratique, ils se sont pas non plus embêtés à du coup appliquer d'autres articles de procédure pénale, interpeller dans la rue ou à domicile ou dans d'autres lieux, même si on a vu cette pratique développer légèrement, ils ont tout de suite demandé des réquisitions nous permettant en fait de continuer leurs interpellations sans condition, sans recherche d'infraction dans les mêmes lieux qu'avant, sous couvert de l'autorisation du procureur. Et c'est vrai que voilà, depuis la nouvelle loi du 14 mars, ils reprennent également leur contrôle avant parce que c'est moins compliqué. Ça nous permet d'assurer des chiffres tout à fait honorables, on va dire, au regard de la politique du chiffre prônée par le gouvernement. Et voilà. Écoute, alors je ne sais pas si tu m'entends. Si jamais tu m'entends, je voulais te remercier. Oui. Je voulais te remercier pour ton intervention avec un petit problème téléphonique. Oui, je suis désolée, du coup, t'es peut-être un petit peu à côté de la plaque que je racontais. Non, c'était très bien. On a bien pu voir la différence entre la différence de situation un je peu. Je n'entends plus rien non plus. Écoute, je te remercie beaucoup, Clémence. Bah, merci et à vous. À bientôt. À tous. Au revoir. Au revoir. Alors, on a eu un petit problème téléphonique. Ce que Clémence, donc au centre de rétention à Perpignan, a tenté d'expliquer, c'est que suite donc à cet arrêt de la Cour de justice de l'Union qui a rappelé à la France que les contrôles aux frontières intérieures n'existaient plus et donc a considéré que la loi permettant des contrôles systématiques en fait était contraire aux engagements européens de la France. La réactivité du parquet, donc du ministère public de Perpignan et de la préfecture et de la police aux frontières a été d'essayer coûte que coûte de contourner cette difficulté en instaurant donc des plans Vigipirate dans la gare de Perpignan, en multipliant les contrôles routiers ou encore des contrôles faciès dans la rue. Donc c'est ce point qu'on a trouvé très intéressant de vous expliquer ce soir, c'est qu'on est dans des configurations extrêmement identiques, donc des centres de rétention qui sont juste implantés à la frontière, qui connaissent, on va dire, des revers de par la Cour de justice, de par les juges, qui disent que donc, les pratiques policières de contrôle aux frontières sont illégaux. Et les conséquences, c'est que selon les endroits et selon, je pense aussi, donc du coup, les personnes qui sont en charge de faire respecter voilà, la sécurité publique et etc. Ces personnes donc respecteront plus ou moins la loi et les engagements de la France. Donc j'espère qu'on a réussi à vous faire montrer cette problématique sur les contrôles aux frontières. Les contrôles aux frontières intérieures ont disparu depuis 1985 avec l'entrée en vigueur donc, de la Convention de Schengen. Il y a une libre circulation des marchandises, des capitaux, une libre circulation des personnes, mais on se rend compte que dans les faits, concrètement, cette liberté de circulation des personnes n'existe pas, en particulier donc si les personnes ont le teint bronzé. C'est ce que disaient Laurence et Clémence, que les contrôles faciès sont extrêmement récurrents, sont extrêmement fréquents. Il ressort de certaines procédures que les fonctionnaires qui ont procédé au contrôle ne se cachent même pas que ça a été fait au faciès, puisque dans certaines procédures, on voit écrit noir sur blanc « Remarquons une personne de type pakistanais, de type indien, et sur ce seul constat, sur ce seul aspect, sera procédé au contrôle. Ce site est un contrôle au faciès. » Cette libre circulation voilà, n'existe pas pour les étrangers. C'est extrêmement grave et visiblement la Cour de justice a encore de beaux jours devant elle pour rappeler à la France ses engagements internationaux. Voilà, donc on en a fini avec le sujet de la journée, de la soirée. Ça a été un peu laborieux, mais on y est arrivé. Je voulais vous recommander quelques livres, donc le livre de Stéphane Hessel, si vous ne l'avez pas encore lu, Indignez-vous, c'est un livre qui fait moins de 30 pages, livre qui a bien évidemment servi de fondement à tous les mouvements citoyens que connaît actuellement l'Espagne, la France ou la Grèce, donc des rassemblements citoyens pour dire qu'on est contre la politique financière actuelle donc de nos pays respectifs. C'est franchement un livre qui est extrêmement facile à lire, donc surtout n'hésitez pas à le lire. Je voulais aussi vous signaler un webdocu qui s'appelle « La machine à expulser », réalisé par Julie Chancel et Michael Mitz. Donc c'est sur les centres de rétention. Un webdocu qui est extrêmement bien fait et qui est consultable sur le site de Canal+, à l'adresse statique2.canalplus.fr. C'est donc ma dernière émission de la saison. La semaine prochaine, donc, ce sera Adishki Detouak qui clôturera la saison de Gure Kunka. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'ensemble des émissions d'Eriotchak sur eriotchak.info. Vous pouvez également les télécharger. Voilà, vous pourrez les écouter à la plage ou dans les bouchons. Je vous souhaite un bon été à tous et vous dis à la rentrée donc avec une nouvelle formule et de nouveaux intervenants qui vont venir nous rejoindre.